Eugène avait été, pendant la matinée, réduit au désespoir par Madame de Nucingen. Dans son fort intérieur, il s'était abandonné complètement à Vautrin, sans vouloir sonder ni les motifs de l'amitié que lui portait cet homme extraordinaire, ni l'avenir d'une semblable union. Il fallait un miracle pour le tirer de l'abîme où il avait déjà mis le pied depuis une heure, en échangeant avec Mlle Tailleul-Fer les plus douces promesses. Victorine croyait entendre la voix d'un ange. Les cieux s'ouvraient pour elle. La maison Wauquiez se parait des teintes fantastiques que les décorateurs donnent au palais de théâtre. Elle aimait, elle était aimée, elle le croyait du moins. Et quelle femme ne l'aurait cru comme elle, en voyant Rastignac, en l'écoutant, durant cette heure dérobée à tous les argus de la maison. En se débattant contre sa conscience, en sachant qu'il faisait mal et voulant faire mal, en se disant qu'il rachèterait ce péché véniel par le bonheur d'une femme, il s'était embelli de son désespoir et resplendissait de tous les feux de l'enfer qu'il avait au cœur. Heureusement pour lui, le miracle eut lieu. Vautrin entra joyeusement et lut dans l'âme des deux jeunes gens qu'il avait mariés par les combinaisons de son infernal génie, mais dont il troubla soudain la joie en chantant de sa grosse voix railleuse. « Ma Fanchette est charmante dans sa simplicité !»